إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذين تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون certes c'est nous qui avons fait descendre le rappel c'est-à-dire le Coran et nous en sommes les protecteurs le gardien l'imam Ibn Hafiz رحمه الله تعالى dans son tafsir يقول أي نحفظ القرآن من الشياطين أن يزيدوا فيه أو ينقصوا منه أو يبدلوا قال الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والباطل هو إبليس لا يقدر أن يزيد فيه ما ليس منه ولا ينقص منه ما هو منه donc il dit Ibn Kathir par rapport à ce verset que Allah عز وجل informe qui protégera ce Coran des shayatin qui ne puisse y rajouter quoi que ce soit ou retirer quoi que ce soit ou échanger ou modifier quoi que ce soit dans le sens où Allah dit dans le verset que le faux ne l'atteint pas ni par devant, ni par derrière. C'est-à-dire le Coran, rien ne peut l'atteindre comme fausseté. Et le faux, le batil, c'est Iblis, qui ne peut rien rajouter dans ce qui n'en fait pas partie, ni retirer ce qui en fait partie. Wa akadha. Wa l'imam Ahmed, quand akhraja fi musnadi, an Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qal, inna akhwafa ma khafwa wa ala ummati kullu munafiq alim al-lisan. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté, c'est de tout munafiq hypocrite savant dans le parler, c'est-à-dire éloquent, qui sait comment parler aux gens. Dans le charh de ce hadith, قال صاحب التيسير في شرح الجامع الصغير أي علم للعلم منطلق اللسان به لكنه جاهل للقلب والعمل فاسد العقيدة مغر للناس بشقاشقه وتفحصه وتكعيره في الكلام C'est-à-dire que cet homme est savant dans la façon de parler. Cependant, son cœur est ignorant, ses actes sont vains et sa aqida est défaillante et corrompue. Et que juste il ne fait qu'impressionner les gens par son éloquence et par sa façon de scruter les mots et dans sa connaissance du langage soutenu. Takriban hadha al-ma'na. Cheikh al-Rajihi qala hadha al-hadith par rapport à ce hadith wa fihi an-nahy an jidal al-munafiq 'alim al-lisan wa fi hadha az-zaman munafiqun yatakallamuna fi as-suhuf wal-fadhayat wal-fadha'iyat wa hum zanadiqa yudilluna an-nas 'an al-haqq wa yujadiluna bil-batil hatta naqal والمنافقون عندهم فصاحة وعندهم شبه فينبغي للمسلم أن يحذرهم وأن يحذر منهم Et Cheikh Rajihi a dit à propos de ce hadith qu'il est interdit de polémiquer avec, ou plutôt d'écouter les polémiques, les débats des munafiqins éloquents. Et que dans ce, en cette époque, ils sont très nombreux. Ils parlent dans les journaux, ils parlent lors sur les chaînes télévisées ou dans les radios ou autres, différents moyens de diffusion, et ce sont des anadiqas. Ils égarent les gens de la vérité. Et ils débattent faussement, vainement. Puis j'ai sauté un passage, jusqu'à ce qu'ils disent, et les munafiqoun, ils ont de l'éloquence, et ils ont des ambiguïtés. Donc il faut que les muslims prennent garde d'eux, et mettent garde, en garde contre eux. Il dit à propos des munafiqoun, Allah Azza wa Jalla dans son livre, Surat al-Munafiqun, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم Si tu les voyais, leur apparence t'impressionnerait. Et s'ils parlent, tu les écoutes. Surat al-Munafiqun. Dans le tafsir, il a été dit Aykanu ashkalan hasana wa zawih fasaha wa alsina idha sami'ahum as-sami' yusghi liqawlihim li balaghatihim wa hum ala ma'a dhalika fi ghayat ad-da'f wal khawr wal hala' wal khaza' aw al jaza' wal jubun. Dans le tafsir, il a été dit que ces gens-là sont de belle apparence et ils sont des gens très éloquents. Lorsqu'une personne les écoute, ils penchent pour leurs paroles. Et malgré cela, ils sont des gens qui sont extrêmement faibles et effrayés et très peureux. Naam. Donc là, mon Mukaddima par rapport à ce qui a été diffusé il y a quelque temps, qui se nomme « Charte des principes de l'imam de France », que seront censés être signés ceux qui souhaiteront devenir des imams dans les masajid en France. Et cette charte contient un bon nombre de « abaratil », de faussetés, et de kufr même. Donc il convient وَهَذَا نُصْحَنِ الْأُمَّةِ de mettre en garde et de démontrer les égarements qui se trouvent, et cela de façon détaillée. Donc moi, en ce qui me concerne, j'ai choisi un paragraphe, car on s'est partagé les travaux entre les frères, celui qui concerne ce qu'ils appellent un ridda par rapport à l'apostasie, avec quelques parenthèses autour d'autres paroles qu'ils auraient prononcées. Donc en premier lieu, un de leurs passages, ils disent « Les valeurs islamiques et les principes de droit applicables dans la République sont parfaitement compatibles. » C'est-à-dire pour dire qu'en fait, on peut être musulman fidèle pratiquant tout en étant français, citoyen et fidèle citoyen, c'est-à-dire aux lois de la France et à son mode de vie. Donc on verra par la suite que cela est un pur mensonge. Pour simple preuve des agissements de ces gens qui, par cette charte justement et autres discours, cherchent à faire des concessions par l'abolition des fondements de l'islam. Tout cela pour faire entrer la religion dans le moule du modèle français mécréant. C'est-à-dire qu'ils n'appellent pas les koufars de France à rentrer en islam, mais ils appellent les musulmans de France à rentrer dans le kouf de la France. Hava. Ils appellent à faire le chemin inverse. Puis ils disent également dans cette charte, d'un point de vue religieux et éthique, les musulmans, qu'ils soient nationaux ou résidents étrangers, sont liés à la France par un pacte. C'est-à-dire que si jamais tu es un musulman, tu es français, natif, ou que tu es quelqu'un qui est venu d'extérieur, mais que tu veux vivre en France, tu as un pacte religieux avec la France et un pacte d'éthique. Donc, religieusement, il n'y a aucun pacte pour le musulman de naissance, c'est-à-dire celui qui est né de parents musulmans ou qui sont convertis par la suite. D'accord ? Qui sont nés en pays de Kufr, que ce soit la France ou ailleurs. Mais, il est probable que ces gens veulent faire allusion au hadith qui est « Hub al-watan min al-iman » que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Et ce hadith, c'est un hadith qui est maudour, inventé, mensonger, qui n'a aucune origine. Et d'ailleurs, les ulama, ils ont expliqué que ce hadith-là, « Qalu ma'nahu ghayr mustaqim, iz inna hubb al-watan ki hubb al-nafs wal-mal wa nahwih » Ils disent que ce hadith-là a un sens qui n'est pas droit, car le fait d'aimer le pays, ou d'aimer sa propre personne, ou d'aimer l'argent, ou autre, d'accord ?« Qala kullu dhalika » غليظ في الإنسان لا يمدح بحبه ولا هو من لوازم الإيمان ألا ترى أن الناس كلهم مشتركون في هذا الحب لا فرق في ذلك بين مؤمنهم وكافرهم. Qu'en fait, tous les gens sont, ça c'est une chose qui est ancrée en l'homme, ce n'est pas propre à la foi. Donc on ne vante pas un homme pour l'amour qu'il a pour son pays, ni pour l'argent, ni pour lui-même. Cela ne fait pas partie de la foi, cela fait partie des choses qui sont innées à l'être humain. Ne vois-tu pas que tous, c'est-à-dire toute personne, voyez, sont concernés par cela. Dans cet amour-là, il n'y a pas de différence entre le mu'min et le kafir. Donc, cela n'est nullement parmi les caractéristiques de la foi, ou des gens de la foi. Et on dit qu'il n'y a aucun pacte pour le natif résident, ni religieux, ni au point de vue éthique. Car il n'a pas choisi son naissance. Il est né là où Allah Azza wa Jal a qadar qu'il devait naître. Un pacte n'est-il pas un accord ou un traité entre diverses parties? On se met d'accord. Donc, quand est-ce que ce pacte a-t-il lieu? Le natif, sa nationalité, elle lui est donnée d'office, sans qu'il n'ait aucun choix de l'accepter ou de la refuser. Dès qu'il naît, il est, par exemple, en France, dès que tu es né en France, tu es considéré comme étant un Français. D'accord ? Quelle que soit la religion de tes parents. Et les Français n'ont jamais rien signé, ou n'ont jamais fait de vœu d'allégeance à leur pays pour les considérer comme citoyens. Cela peut être possible pour ces signataires, parmi les immigrés qui ont délaissé leur pays, et pour beaucoup d'entre eux attirés par les francs à l'époque, ou l'euro de la France, aujourd'hui, pour obtenir le droit de séjour, ou essayer de se naturaliser, ça c'est possible. Mais ça ne concerne que ces gens-là. Combien y a-t-il de Français qui n'agréent même pas la façon dont le pays les régit? Des Français purs, qui optent pour d'autres formes de constitution que celles des principes républicains. Ces gens peuvent s'appeler François Dubois, ou Marianne Dubrun, ou Gilbert Duchemin, et autres. Hein? Mais selon le raisonnement de ces gens, de ces signataires de la charte, ils n'auront pas droit au statut de citoyen français. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce genre de principes. Alors que ces gens-là, à la base, point de vue origine et généalogie, ils sont bien plus français que ces signataires. Ils sont bien plus français que ces signataires. Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il est né à Mecca. Et aimé ce lieu, sans même qu'il ne s'agisse de la contrée la plus aimée auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur terre. Tout comme Quraysh, sublimé et sanctifié ce lieu également. Ta'ziman, ajiban. Et pourtant, après que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ait reçu la révélation, est-ce qu'il s'est accommodé à eux et à leur mode de vie? Car là-bas, c'est eux qui détenaient le pouvoir à ce moment-là et l'autorité. Hein, à ce moment-là. Tous ses proches, dont son grand-père, Abdul Muttalib, ou son oncle, Abu Talib, étaient des grands notables de Quraysh. Et pourtant, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une charte avec eux, ou a dit que celui-là est compatible, ou je ne sais quoi? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet de Surat al-Kafirun, Yahyu al-Kafirun, la surat qui est connue, dont j'ai fait déjà un audio, il dit, شامل كل كافر على وجه الارض ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. Que cette sourate à la base concerne tous mes créants sur la terre. Cependant, la cause de la descente de ce verset en particulier était un discours tourné vers Quraysh. وقيل انهم من جهلهم دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عباده اوثانهم سنه ويعبدون معبوده سنه. فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية. Donc il a été dit que ces Quraysh, par leur ignorance, ils ont convoqué le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'ont appelé, d'accord, à adorer lui qu'il adore leur divinité durant une année et que eux adoreront sa divinité pendant un an. Donc Allah azza wa jalla a fait descendre cette sourate. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Il a ordonné à son Nabi, à son prophète, de les désavouer de leur religion totalement. Donc il n'y a pas eu de charte, on n'est rien du tout. Donc Allah Azza wa Jal, d'accord, nous a montré dans son livre le comportement à avoir. Et à savoir que Mecca est un lieu qui a une valeur nettement supérieure à celle de la France. Puis également dans cette charte, ils disent, celui-ci, c'est-à-dire ce pacte, les engage à respecter la cohésion nationale, l'ordre public et les lois de la République. On y répond en disant, les musulmans résidant en un pays n'ont pas de pacte ou d'engagement religieux, d'obéissance, si ce n'est qu'avec les dirigeants musulmans, dans un pays musulman. Et cela dans ce qui est en conformité avec la religion. Ce n'est pas mutlaqan, ce n'est pas dans l'absolu. Quant aux dirigeants kuffar, ils n'ont aucune autorité sur nous. Simplement, les musulmans observent ce qui n'engendre pas de troubles pour l'ordre public et la sécurité publique. Comme a dit Allah, وَلَنْ يَجَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Qu'Allah ne donnera aucune autorité des mécréants sur les croyants. Chose que nous avons déjà évoquée plusieurs à maintes reprises. A savoir que ce concept républicain, à la base, est en opposition avec la charia islamia. Car il s'agit d'une forme d'organisation d'un pays dans laquelle le pouvoir est exercé par des représentants de la population, généralement élus, et où le chef d'État n'est pas héréditaire et n'est pas le seul à détenir le pouvoir. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Que le jugement ne revient que à Allah. Il a ordonné de n'adorer que lui. Et c'est telle la religion qui est droite, cependant la plupart des gens ne savent pas. Donc chez nous, il n'y a pas d'histoire d'élection, de vote ou autre pour savoir qui nous représente. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا واتيعوا الله واتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir d'entre vous, c'est-à-dire les musulmans. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, cela est de meilleure interprétation. Donc nous, le jugement, c'est celui d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de son messager. D'accord? Et on obéit également aux dirigeants et aux savants des musulmans lorsque cela est en conformité avec la révélation. Et le dirigeant, lui, consulte les gens d'expérience et de science autour de lui et de bonne politique. Ils se concertent, sans avoir forcément à avoir à parler avec le peuple. Là, le peuple n'a aucune part, si ce n'est de conseiller de façon correcte en cas d'erreur de la part des dirigeants. Annonce, sans khourouj, sans sortie, et sans manifestation, et sans révolte, et sans désordre. Taïb. Donc là maintenant, je vais en venir au shahid, la partie qui me concerne, à laquelle je souhaiterais répondre lors de cette daura. Ils disent dans l'article 3, donc je lis en premier lieu le paragraphe, la liberté est garantie par le principe de laïcité qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer le culte de son choix et de changer de religion. Ainsi, les signataires s'engagent à ne pas criminaliser un renoncement à l'islam ni à le qualifier d'apostasie, c'est-à-dire ridda. Encore moins de stigmatiser ou d'appeler de manière directe ou indirecte à attenter à l'intégrité physique ou morale de celle ou de ceux qui renoncent à la religion ou à une religion. Cela traduit par un respect de toutes les opinions et de toutes les expressions permises par la loi et surtout un principe républicain essentiel qui est la liberté de croyance, ou plutôt la liberté de conscience. Ils disent ensuite, Dieu a donné aux hommes la liberté de choisir leur voie, leur conviction à l'abri de toute contrainte. Après, il donne le verset, « La ikraha fid din », c'est-à-dire une contrainte en religion. Et, c'est-à-dire Allah, en a fait une expression de sa volonté. Et après, il donne le verset, « Wa law sha'a rabbuka la amana an-nas kulluhum jami'a. » « Oh, là où sha'a rabbuka la amana man fil ard kulluhum jami'a. » Donc il a dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce donc à toi de contraindre les gens à croire? Non. Donc là c'était le passage. Donc on va commencer. Première partie lorsqu'ils disent, la liberté est garantie par le principe de laïcité qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer le culte de son choix, de changer et de changer de religion. Donc là, je ne vais pas parler de la laïcité en soi. C'est une chose qui sera abordée par d'autres personnes, bismillah ta'ala. Donc ça veut dire que ces gens-là, ces signataires, s'engagent à prendre comme point de retour, déjà en premier lieu, et comme jugement de base, ces principes républicains et non le Coran et la Sunna. C'est là-dessus qu'ils se basent. Chose qui est bien sûr très dangereuse, car comme on l'a dit tout à l'heure, « In kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir » Si jamais vous croyez en Allah au jour dernier, on doit revenir à quoi? Au Coran et la Sunna. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Oh que non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne te feront pas juger dans leur litige, d'accord? Puis qu'ils ne trouveront aucune gêne à ce que tu auras émis comme jugement, et qu'ils s'y soumettent totalement. Donc il a bien dit, ils ne croiront pas tant qu'ils ne prendront pas le messager comme juge entre eux, c'est-à-dire la révélation. Et après sa mort, sa sunna. Donc parmi les conditions de la foi, juger selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et également en être satisfait. Afa hukm al-jahiliyati yabrun wa man ahsanu min Allah hukma li qawmin yuqinun. Est-ce donc le jugement de la jahiliya qu'ils veulent, et qui donc est de meilleur jugement que Allah pour un peuple qui a la certitude, qui croit? Et le jugement de la jahiliya, ce n'est pas seulement ce qui était avant l'islam, mais c'est tout ce qui est en dehors de l'islam. C'est tout ce qui est dans l'islam s'appelle jahiliya. Non. Ensuite, l'autre paragraphe, ils disent, ainsi, les signataires s'engagent à ne pas criminaliser un renoncement à l'islam, ni à la qualifier d'apostasie, de ridda. Encore moins de stigmatiser ou d'appeler de manière directe ou indirecte à attenter à l'intégrité physique ou morale de celles ou de ceux qui renoncent à une religion. C'est-à-dire que, en fait, là, ils veulent abolir le jugement de la ridda et des règles qui en découlent. Alors que celles-ci proviennent de la révélation. Il est délaissé, c'est-à-dire toute règle, tout jugement provenant du wahi, qu'on délaisse par préférence par l'autre jugement, en pensant que cela est permis, ou que l'autre jugement est égal ou meilleur, cela revient justement à tomber soi-même dans cette ridda. Justement. Cela revient à apostasier, pour celui qui se disait musulman. Donc, ridda, mamana ridda, l'oratan ridda, c'est le masdar du fir, radda yaruddo. Dont la racine c'est radada ou radida. Bimarda un rujour, le fait de revenir. Kama qala ta'ala an Musa yaqum yadkhuluf al-ard al-muqaddasata allati kataballahu lakum wa ratartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Ô mon peuple, rentrez donc dans la terre sanctifiée qu'Allah vous a prescrite et c'est la shahid wa ratartaddu, c'est-à-dire ne revenez pas en arrière car vous finirez par perdre. lorsqu'il devait rentrer dans cette terre pour combattre ces géants. Donc le fait, la tartadou, c'est-à-dire ne pas retourner en arrière, de ne pas battre en retraite. Donc ça, littéralement parlant, c'est revenir en arrière. Wa shar'an wa rujou en al-islam ay tark ad-din. Et dans, au point de vue législatif, ridda, c'est le fait de revenir de l'islam et de délaisser la religion. Donc plusieurs versets en parlent. Et Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre cela. Et les savants, les ulama, justement, qassamu a dit ridda et l'aqsam. Vous savez, cette ridda a été divisée en différentes catégories. Déjà, il y a celle ridda par la croyance. On peut tomber dans la ridda par une simple croyance. Par exemple, le fait de croire qu'il y a autre que Allah le contrôle, ou le fait de croire que des gens connaissent l'invisible, ou ce genre de choses. Par la parole, on peut apostasier. Par la moquerie envers la religion, en insultant la religion, ou Allah son messager, ou autre. Par des actes que l'on pourrait commettre, comme des actes de shirk, égorger pour que Allah, d'accord, ou l'isti'ana bi shayatin, chercher de l'aide auprès des shayatin, ou se jouer de ghalillah, ou ghal zalika. Ou alors pour leur délaissement. En délaissant certains actes, comme par exemple le fait de délaisser les deux attestations ou délaisser la salat selon la vie authentique ou autre. Cela amène à apostasier. C'est très nombreux. Et cela s'appelle Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'islam. Et certains savants en ont dénombré jusqu'à plusieurs centaines. Et sur certains, il y a ijma', unanimité, et d'autres sont sujets à khilaf. Par exemple, le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab avait sa risala qui s'appelle Nawaqid al-Islam, il en a cité 10 sur lesquels il y a ijma', unanimité. Mais ils ne sont pas que 10, ils sont très nombreux. Et également, précision importante par rapport à la ridda, parce qu'eux, ils parlent de celui qui délaisse sa religion volontairement. Et nous, on dit en islam, il n'est pas pris en compte que la personne assume justement ce délaissement, ou déclare sa ridda d'elle-même. Dire par exemple, je ne veux plus être muslim, demain je serai un nasrani. Je vais devenir chrétien, je vais devenir bouddhiste, je vais devenir yahoudi. Ça, c'est une ridda wadiha. D'accord ? Cependant, il y a des gens qui également sortent de la religion, malgré eux, ça veut dire, eux se disent comme étant des musulmans, alors qu'ils ont commis un acte annulatif de l'islam, délibérément, et persistent dessus, sans se repentir. Donc même si ces gens-là te disent, moi je suis musulman, on dit non, tu ne l'es plus. Comme par exemple, aller faire de la sorcellerie, par exemple, ou autre, ce genre de choses. Ils sont très nombreux. D'où il va te dire, par exemple, je sais pas, par exemple, vous allez voir les marabouts, des gens comme ça, ils te disent, moi je suis musulman. On dit non, t'es pas un musulman. Si tu sais ce que tu fais là, et que tu persistes dessus, tu fais pas tauba, tu ne l'es pas. Tu ne l'es plus. Tu pourras faire même 100 salats par jour. Tu pourras jeûner tous les jours si tu veux, faire le hajj tous les ans si tu veux. Tout cela c'est annulé auprès d'Allah Azza wa Jalla car tu n'es plus musulman. D'accord ? Kama qala ta'ala, laysa bi amanikum wala amani al-kitab man ya'mal su'an yujza bih. Ce n'est pas, cela ne dépend pas de vos souhaits ni de ceux des gens du livre, mais celui qui œuvre dans le mal sera rétribué en conséquence, c'est-à-dire on regarde par rapport à tes actes. Tu auras beau dire je suis musulman, je crois en Allah ou son messager, tu as fait des actes qui montrent que tu ne crois pas en Allah comme il se doit, ni en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit, car tu auras désobéi à des choses qui touchent au fondement de la religion. Donc, de là, un jugement de ridda sera mis sur toi, que tu l'acceptes ou pas. Car cet islam que Allah Azza wa Jalla nous a accordé n'est pas garanti à vie. On l'a obtenu tout comme on peut le perdre. Min huna, yaqul Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal ladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatih. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. C'est pour cela que Allah nous a ordonné de mourir en étant musulmans. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Quel serait l'intérêt de donner un tel ordre si le musulman, d'accord, ne pouvait pas sortir de la religion. Donc parmi les preuves que cette ridda également existe et qu'elle est effective, قال سبحانه وتعالى وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُوتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Que les mécréants ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent sortir de votre religion. حَتَّى يَرُدُّوا, comme on a dit رَد, le fait de revenir, tant qu'ils le pourront. وَمَنْ يَرْتَدَ مِنْكُمْ, maintenant celui qui apostasie, irtadda, d'accord, عَنْ دِينِهِ, qui apostasie de sa religion, alors ceux-là seront des mécréants, ceux-là leurs œuvres seront annulées dans l'au-delà et dans ce bas monde, ils seront les gens du feu, ils seront éternellement. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan min allazina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ou qui avez cru, si jamais vous obéissez à un groupe de ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire dans les choses qui amènent à apostasier, ils vous sortiront de votre religion, de votre foi, et vous rendront mécréants. D'accord. Et il y a plein de versets qui parlent de la Iddah dans le Coran. Donc on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas et les oublier, les mettre de côté pour ces prétendus principes de l'islam de France. Et il est connu que l'islam est venu pour protéger les cinq darurat, les cinq points vitaux, on va dire. Et dont le premier, c'est Al-Aqida ad-Din. Car ces cinq darurat sont la religion. Elles sont la vie, protéger la vie. Elles sont protéger les biens. Elles sont protéger l'aql, la raison. Et elles sont protéger soit l'honneur, soit la généalogie. C'est-à-dire, on interdit de forniquer. D'accord? Ou d'insulter les gens de cela. Le aql, ça fait qu'on interdit la raison de tout ce qui est enivrant. Les biens, c'est on interdit tout ce qui est de détérioration et tout ce qui est vol. Et autres. La vie, tout ce qui est de tuer, la vie sans droit. Et la religion, c'est quoi? L'interdiction de l'apostasie. C'est pour cela que la sentence de l'apostat, un murtad, c'est la peine de mort. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an ibn Abbas, man baddala dinahu faqtuluhu. Celui qui change sa religion, alors tuez-le. Et quand ibn Mas'ud, radiallahu anhu, la yahillu dammir'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah, wa anni rasulullah, illa bi ihda thalath, al-nafs bin-nafs, wa al-thayyib al-zani, al-tariku al-dini, al-mufariku al-jama'a. Qu'il a dit qu'il n'est pas permis de prendre la vie du musulman qui a fait l'attestation de la ilaha illallah, de Muhammad Rasulullah, d'accord, sauf dans trois situations. Dont le talion, celui qui aura tué un musulman sans droit et délibérément. Également, le fornicateur qui aura connu un mariage légiféré. Et le troisième, il dit « At-taliqu ad-dini », celui qui délaisse sa religion. « Al-mufariqu al-jama'a », qui divise le groupe. Il s'est séparé de la communauté. Donc lui, on l'exécute. Et comme on a dit « Man baddala dina faqtulu », celui qui change sa religion, alors tuez-le. On a expliqué, ce n'est pas forcément celui qui atteste son changement, mais celui qui tombe dans un aqid de l'islam, dans un anatit de l'islam, qu'il le veuille ou pas. Donc ça, c'est, maintenant, on précise, attention, il s'agit du jugement qu'il mérite dans la charia. D'accord ? Donc les sentences ne sont applicables que par les gouverneurs musulmans. Là, on n'appelle pas aller tuer des gens qui ont lâché la religion. Là, on dit qu'en islam, son jugement, c'est telle chose. D'accord ? Mais iqamat al-hudud, le fait d'appliquer les sentences en ce sujet ou dans d'autres, ça ne revient pas à nous. قالت اللجنة الدائمة قالت لا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم من ذلك على ذلك من الفوضى والفتنة. Que les sentences en islam ne sont applicables que par le dirigeant musulman ou par ceux qui représentent le hakim, comme les autorités, la police, les militaires, les gens à qui le dirigeant a donné le droit de faire cela. Mais quant aux gens du commun, les civils, les citoyens ou quoi, eux, il ne leur revient pas d'agir de la sorte. Ils n'ont pas le droit de faire cela. D'accord ? Car cela va amener au désordre et au trouble. Par exemple, demain, quelqu'un, un exemple, il a volé avec les conditions. Ce n'est pas à toi de prendre quelque chose, de lui couper la main. Là, toi, tu dois le dénoncer aux autorités et après ceux qui s'occupent de lui. Toi, tu n'as rien à faire, à part dénoncer. Par exemple. À part si le fait nasiha, avant que cela parvienne au gouverneur, et qu'il fasse son repentir et qu'il rentre, taïb. Mais si jamais l'information est déjà arrivée au gouverneur, alors de là, la sentence qui lui sera émise ne sera applicable que par le gouverneur et non pas par les gens. Bien prendre en compte. Donc on n'appelle pas à aller tuer qui que ce soit là, en France ou ailleurs dans les pays qui n'ont pas des pays d'islam, et d'appliquer les hudud. Là, on n'a pas le droit. Ça, c'est interdit, ça. Ça, c'est mayajouz. Et aussi, autre précision très importante, quand on parle de ridda, on n'appelle pas non plus les gens là à aller s'amuser à faire le takfir, à rendre des gens mécréants comme ça. Là, on parle d'un jugement général. D'accord ? Maintenant, tu as des gens, la ridda, ils sont tombés dedans, elle est claire. Et d'autres, c'est plus subtil. Donc là, on revient à qui ? On revient au ulama. On dit, par exemple, telle personne a fait telle et telle chose. Parce que il y a des chouroutes pour rendre quelqu'un mécréant. C'était pas comme ça. D'accord ? Là, on parle bien d'un jugement général de la ridda. On ne dit pas, une fois que tu écoutes cet audio-là ou tu as étudié dans l'enquête de l'islam, tu vas rendre kafir toute personne que tu verras qui aura commis cela. Tu sais pas. Il y a des conditions, il y a des empêchements. Et ça, c'est pris en compte par les ulama. On n'a pas les devancer. D'accord ? On n'a pas les devancer. Taïeb. Donc, maintenant pour revenir à cette peine de mort par rapport au murtad, l'apostat, يقول الشيخ الإسلام المرتد شر من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. Il a dit que l'apostat, il est pire que le kafir de base. Et ça, sur différents points. Car par exemple, Abu Bakr al-Siddiq a combattu ces gens qui ont refusé de donner la zakat à son époque. Ils ont apostasié parmi eux. Certains ne l'ont pas donné par avarice, donc eux n'ont pas apostasié. Et certains ont dit, khalas, Mohammed, il n'est plus là, je ne la donne plus, je n'ai plus à la donner. Donc lui, il aura vu que donner la zakat n'est plus obligatoire. Donc par cela, il aura mécru. Donc Abu Bakr al-Siddiq les a combattus. Il les a combattus. Il n'a pas dit, ils sont libres, de liberté de conscience, je ne sais quoi. Il les a combattus. Et Cheikh Al-Islam dit également, « Wa hukm al-murtad, sharrun min hukm al-yahoudi wa al-nasrani. » Il a dit que le jugement du murtad, il est pire que celui du yahoudi, du juif, nasrani, du nazaréen, du chrétien. « Wa yakullu Allah azawajal, kefa yahadillahu kuman kafaru ba'd imanihim, wa shahidu anna rasulu haq, wa ja'ahu al-bayyinat, wa Allahu la yahdil kuman al-zalimin. » Et comment Allah va dire donc guider un peuple qui a mécru après avoir eu la foi et qui ont attesté de la vérité du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que les preuves leur sont parvenues. Allah ne guide pas un peuple injuste. Donc comment après cela oser aller dire qu'il faille se taire sur lui et ni l'incriminer alors qu'à la base, shal'an, c'est la peine de mort qu'il encourt. Il, l'enfer éternel. On se dit rien sur lui quand c'est de rien été. Déjà, fi hadith ibn Mas'ud, قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي فناهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولنعهم ثم أنزل الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إلى دي النبي صلى الله عليه وسلم que lorsque les gens des fils d'Israël sont tombés dans des marassis, les savants leur interdisaient de faire ces marassis. Et pourtant, par la suite, ils continuaient à les fréquenter, hein, à boire avec eux, à manger avec eux, comme si de rien n'était. Donc de là, Allah Azzawajal les a divisés entre eux et les a maudits. Et les a maudits. Et dans le sens où Allah dit, et que les gens, les fils de Bani Israël, parmi ceux qui ont mécru, ont été maudits sur la langue de Daoud et de Issa de Mariam, par rapport à ces faits-là. C'est-à-dire qu'ils voyaient un mal et ne blâmaient pas comme il se doit. Donc, regardez, ces ulama de Bani Israël ont blâmé à la base, mais jusque, par la suite, par les actes, n'ont pas suivi. Alors, que dire de ces signataires qui, eux, ne veulent même pas blâmer à la base? Qu'est-ce qu'on encourt après cela? Il y a une grosse différence entre les deux cas, des situations. Là, ils veulent même pas dire, ils terquent là, ils vont rien dire, ils vont dire, comme si de rien n'était. Et cela amène à quoi? Hein? À délaisser tous les ahkam qui découlent de la ridda. Des ulama ont même dit que si ce murtad était devenu un kitabi, c'est-à-dire un nasrani, ou un yahoudi, ou un juif, dont à la base les sacrifices nous sont permis, et bien malgré cela, il n'aurait pas droit aux avantages des gens du livre. Pourquoi? Car cela reviendrait à cautionner sa ridda. On va dire, on est d'accord avec toi, donc tu es comme eux. Non, on n'accepte pas. Le murtad, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit chrétien, qu'il soit juif, à la base, c'est que le gouverneur musulman l'exécute, et quoi qu'il en soit, par la suite, il est rejeté. Il est rejeté. Donc on se comporte avec lui comme un idolâtre commun, voire pire encore, car lui a connu la vérité. Donc, vouloir annuler ce jugement, ça revient à annuler toutes les règles qui ont résulté, comme nous l'avons dit. En premier lieu, ça amène à annuler le jugement d'Allah Azzawajal et jugé par autre que sa législation. ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent avoir cru en ce qui est descendu sur toi et ce qui est descendu à ceux d'avant toi, et ils veulent pourtant juger avec la loi du Tarout, alors qu'il leur a été ordonné d'y mécroire, et Shaitan veut les égarer d'un égarement évident. Donc là, au premier lieu, tu vas juger par une autre loi que celle d'Allah Azzawajal, en voyant cela comme étant préférable. Ensuite, cela est un affront à la charia d'Allah Azzawajal et à sa justice et sa sagesse. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, n'est-ce pas donc Allah qui est le plus sage des juges, le plus juste des juges. Donc c'est quoi le jugement qu'il a fait pour le murtad? On le prend en compte. C'est également un affront envers le messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses sahaba qui n'ont jamais agi de la sorte, comme on l'explique tout à l'heure. Abu Bakr al-Siddiq a combattu les murtaddin. وقال تعالى ومن يشكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Et ceux qui ont fait scission avec le messager après que la guidée leur soit venue et qui suivent une voie autre que celle des croyants, c'est-à-dire celle des sahaba, d'accord, nous le détournerons comme il s'est détourné et nous le guiderons vers l'enfer avec une mauvaise destination. Voilà, azbillah. Ça amènerait également, si le murtad, l'apostat venait à mourir, ça amènerait qu'on devrait le laver, faire la salle sur lui, salat janaza, et l'enterrer au milieu des muslimines. Sûrement pas. Ça voudrait dire que lui, il pourrait hériter des muslimines, ou que ses proches pourraient hériter de lui. Là, s'il y a un khilaf, mais en réalité, ils ne peuvent pas. Car, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, yaris al-muslim al-kafir, ou al-kafir al-muslim. Que le muslim n'hérite pas d'un mécréant, ni le mécréant n'hérite d'un muslim. Il n'a pas le droit. Ça permettrait aussi de pouvoir manger sans sacrifice. Ça permettrait de le laisser participer à la salat en jama'a, voire même d'être imam. Ou alors, pire, de le marier avec des muslimates. Ou alors, si jamais c'est une muslima qui aura apostasié, de la marier avec un muslim. Qu'elles ne sont pas permises, c'est-à-dire les muslimates ne sont pas permises pour les kuffars, et les kuffars ne sont pas permis pour les muslimates. وقال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. Et n'épousez pas les associatrices tant qu'elles n'auront pas cru. Donc cela n'est pas permis. Ça fait qu'ils auraient le droit de recevoir la zakat, alors que la zakat ne revient que muslimine de base. Cela permettrait de leur donner quelconque autorité sur les musulmans. Cela leur permettrait de parler au nom des musulmans et de le représenter. Ou pire encore, cela leur serait appelé à la ridda en toute impunité, et les laisser insulter l'islam et mentir sur Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, le troubler la croyance dans le cœur de beaucoup de personnes. Et tout cela sous couvert de quoi? Sous couvert de liberté de croyance, de conscience et peut-être même liberté d'expression. Voilà, azbillah. Voilà, ça sert à quoi de laisser le murtad? Ça va amener à cela. Et justement, ces quelques points-là démontrent bien, comme on disait au début, l'incompatibilité entre les vrais principes de l'islam et ce que souhaite la France. Sans quoi, il n'y aurait pas besoin de faire des chartes ou de changer les règles, des règles aussi évidentes et fondamentales de notre dîn. Ça prouve bien que cela est incompatible. Vous êtes obligés de tricher et de changer d'enjeu pour y arriver. Et c'est exactement ce que voient les kuffars. Où ils étaient tous là, « Alayhim ayatuna bayyinat, qala allazina la yajuna liqa'ana, iti bi qur'an ghayra hadha aw baddil. » Et si jamais nos versets sont récités sur ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, c'est-à-dire les kuffars, ils diront, « Viens avec un autre Qur'an que celui-ci, ou change-le. » يريدون يبدلوا كلام الله. Ils veulent changer la parole d'Allah. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le Coran, ils n'en veulent pas. Ils veulent autre chose. Mais comme ils ne peuvent y arriver d'eux-mêmes, car ils sont parfaitement conscients que les musulmans ne vont pas accepter cela d'eux, parce qu'ils touchent à leur religion, alors ils envoient ces émissaires, ces signataires, affiliés eux-mêmes à l'islam et à ces pays, pour tenter de convaincre en servant des textes religieux, en les sortant de leur contexte et tromper les inattentifs. Et les murafalines. C'est-à-dire que ces gens-là, signataires, avec cette charte, font office de Hadrat al-Wasl, une passerelle entre l'islam et le kufr, wa li'azu billah. Après également, ils disent, Dieu a donné aux hommes la liberté de choisir leur voie, leur conviction à l'abri de toute contrainte. Et après, ils ont dit, la ikraha fi d-din, nulle contrainte en religion. Et on a fait une expression de sa volonté. Dans le sens où Allah dit, si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur terre auraient cru. Est-ce donc à toi de contraindre les gens à croire? C'est certes, on n'a jamais appelé à contraindre qui que ce soit à rentrer en religion. Car celui qui prononce la shahada, sans ces conditions, c'est-à-dire sans amour, sans mahabba, sans ilm, sans savoir, et sans ikhlas, sans sincérité, sans sidq, sans véracité, sans inqiyad, sans assujettissement, voilà yaqin, sans conviction, voilà kaboul, l'acceptation, voilà kufr bitta'arut, et sans mécroyance qui est adorant d'ordre d'Allah, et son islam ne sera pas accepté. Donc pourquoi on va le contraindre? Ça ne servait à rien de le contraindre. Il ne sera pas un muslim de toute façon, au final. Donc on ne force pas les gens à croire, mais on les y appelle. On les y appelle et on les conseille. Et on leur clarifie que, quand même, car cela est pour leur propre bien, et pour le bien de tous les hommes à la base. On leur explique la récompense qu'ils auront à croire, et on les avertit du châtiment qui les attend s'ils le refusent. Comme l'ont fait tous les messagers. Ils ont appelé Yaakoum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghayru. Ô mon peuple, t'ayez adoré Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Donc cela ne veut pas dire qu'on les force. D'accord ? Mais également, cela ne veut pas dire qu'on doit cautionner leur choix si jamais ils le refusent. Car ils ont le libre arbitre, c'est vrai. Mais s'ils refusent, alors le refus, ils en subiront les conséquences. On n'a pas accepté. C'est-à-dire qu'il y aura un mokif à prendre avec eux après. Des positions et des règles qui vont en découler. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dis, obéissez à Allah et à son messager. Et si jamais ils se détournent, certes, Allah n'aime pas les mécréants. Donc ce verset, لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ, nous contentons en religion, est trop souvent utilisé dans un faux contexte. Et les gens, ils oublient la suite de la parole. Il faut dire la suite du verset. لَا إِكْرَهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الرُّشْدَ مِنَ الْغَيِّ, que la droiture a été certes rendue distincte par rapport au faux. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Que celui qui mécroit au Tagout, qui croit en Allah, c'est certes accroché à l'os la plus solide, qui ne se brisera jamais, ou qui ne peut se briser, plutôt on va dire. Et Allah est audient et omniscient. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Allah est l'allié de ceux qui ont cru et les sort des ténèbres vers la lumière. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ. Et Allah, ou ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les tarouts qui les sortent de la lumière vers les ténèbres. وَلَيْكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ceux-là sont les gens du feu, ils seront éternellement. Dites la suite, les versets qui vont derrière. Ah mais se taire comme ça, ça laisse les gens dans la confusion. Donc quant au fait de dire également qu'il s'agit de sa volonté, on dit non, c'est vrai, que Allah n'a pas voulu que tout le monde croie. Mais quelle volonté il s'agit ? A dit Al-Irada Al-Kawniya, ce qu'on appelle la volonté universelle. C'est-à-dire c'est une chose qui aura forcément lieu, que Allah a décrété qu'elle aura lieu, mais qu'il n'aime pas forcément. Le fait que ces gens-là soient des koufars, ça ne veut pas dire qu'Allah l'agrée. Warayardo Al-Iriba a dit Al-Kufr. Allah l'a bien dit, n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Donc là, il s'agit de quoi ? De la Irada Al-Kawniya. Législation, ou plutôt on va dire volonté liée à la volonté universelle. Comme le fait que Allah crée un tel noir et un tel blanc, un tel est petit, un tel grand, un tel va mourir à tel moment, un tel vivra plus longtemps, un tel est comme ci, un tel est comme cela. L'oiseau il vole, le poisson il nage, et le chien il court, ainsi de suite. Toutes ces activités-là rendront cette irada-là. C'est une chose qui ne peut qu'avoir lieu. Maintenant, celle qui doit être prise en compte, shara'an, c'est l'irada et shara'iyya. Celle qui est liée à sa législation, c'est-à-dire qu'on doit prendre en compte que Allah il aime. Voyez, wa qala est-ce qu'Allah il aime qu'il attend de nous. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux d'avant vous, afin que vous craigniez. Wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a. Et adorez Allah et ne lui associez rien. Tous ces versets on en fait quoi? Les gens ont le droit de choisir de refuser ces versets-là. Ils n'ont pas le droit de refuser ces versets-là. Ils n'ont pas le droit. Donc, agir comme ils agissent, d'accord? Prendre un verset, le couper, sans dire c'est quoi son but et ce qui va derrière. C'est comme des gens qui diraient, ils prennent le verset, « Irmelo mashittum » Faites ce que vous voulez. Allah, il a dit « Irmelo mashittum ».« Irmelo mashittum », faites ce que vous voulez. Donc après, il va dire « Je suis libre ». Alors, on fait quoi des versets, toutes les interdictions et des obligations? Mais c'est quoi la suite du verset? إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Certes, il est clair dans ce que vous faites. Ce que vous faites, Allah il le voit. Pourquoi? Vous allez en rendre compte par la suite. Fais ce que tu veux maintenant, ce bas monde. Si tu le veux. Personne ne t'enchaîne. Personne ne te menotte. Personne ne te ligote. À part si tu as été dans un pays où la charia l'a appliqué, bien sûr. Mais chez toi, à l'abri du regard des gens, fais ce que tu veux. Mais plus tard, tu sauras que Allah te voit. Et que ce que tu fais là, tu en rendras compte. كذلك. Allah il dit فَمَنْ شَافَ الْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَافَ الْيَكْفُرُ. Que celui qui veut qu'il croit, que celui qui veut qu'il m'écroit. Est-ce que ça veut dire que le fait que tu m'écrois, tu as le droit et que tu n'as pas de blâme? Là. Car Allah il dit quoi après? إِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. Nous avons certes préparé pour les injustes un feu qui va les entourer de toutes parts. C'est pour qui? Pour ceux qui ont décidé de m'écroire. Donc dis aux gens, tu veux m'écroire? on ne forcera pas à mécroire. Mais sache que celui qui mécroit ira au Jahannam, au feu. Donc si jamais tu fais ce choix-là, assume par la suite. Donc ne pas lui faire croire qu'il est libre, qu'il n'y a rien derrière. Là, hada kadhib, ala talbis, hadi khiyana. Donc on dit quoi aux gens? Tu as le libre arbitre en toi. Choisis la voie que tu concèdes, que tu considères comme étant la meilleure pour toi. Mais on lui clarifie quelle est la bonne, quelle est la mauvaise. On l'oblige lui bayen. Ils disent plus bas dans cette charte, ils disent convaincu que le débat est souvent source d'enrichissement et rempart contre le fanatisme, nous acceptons tous les débats et nous nous opposons à toutes les violences. Naam. Zahma, les gens ouverts et ouverts d'esprit. Un petit peu trop ouverts. Quand on est trop ouvert, tout y rentre. Même les égouts, même les déchets, les détritus. Tout rentre. Alors qu'à la base, il faut filtrer. Être ouvert, ça veut dire être ouvert à ce qui doit être acceptable. Quand Allah Azza wa Jal, quand nazala alaykum fil kitab, an, idha sami'tum ayatillah, yukfaru biha, wa yusta'zahu biha. Fala tak'udu ma'ahum, hatta yakhudu fi hadithin ghayri, innakum yuzan misluhum. إِنَّ اللَّهَ جَمِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمْ جَمِعًا. Que dans le Coran, il a été révélé que si vous entendez les versets d'Allah, qu'on s'en moque ou que des gens parlent avec mécréance de ces versets, alors ne t'assois pas avec eux et ne discute pas avec eux. Et ne reste pas avec eux tant qu'ils ne changeront pas de discussion. Car sans quoi vous serez comme eux. Et que Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants ensemble dans l'enfer. Donc demain, tu parles avec des gens, ils vont te dire des blasphèmes immondes. Tu discutes avec eux, c'est peut-être que tu t'opposes à toutes les violences et contre le fanatisme. Là, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Quelqu'un, il parle, tu te tais, il se tait, il ne veut pas se taire, tu pars, tu ne restes pas devant lui. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire cela. Donc tout cela, ce sont des falsafas qui sont ba'atil, là. Des kalam ba'atil. Pour faire croire que le musulman est ouvert à tout, ce n'est pas vrai. Le musulman n'est pas ouvert à tout. Le musulman, il est ouvert à ce qu'il veut apporter de maslaha pour l'ensemble des gens. Mais si une mafsada, déjà sur lui en premier lieu, il la refuse. Et une mafsada qui vient pour les gens, il va la refuser également. Naam. Donc de là, on va dire un verset pour rappeler à nos frères, à nos frères, à nos sœurs, par rapport à ce genre de discours qui sont tenus dans cette charte. Voilà tout dire al-kafirin, wal-munafiqin, wada azahum. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. N'obéis pas aux mécréants, ni aux hypocrites, et délaisse, ne fais pas attention à leurs préjudices, et place ta confiance à Allah, et que Allah suffit comme garant. Ce verset-là suffit à bien comprendre. Obéir à ces gens-là n'est pas permis, ni à ceux qui ont poussé ces munafiques à agir de la sorte, et ni aux signataires qui vont amener à signer cette charte. Et كذلك الأنكم بهذا, nous rappelons à ces signataires et à ceux qui seraient tentés d'adosser leur signature d'accord à cette charte, tout en ayant conscience de sa fausseté, cette charte que Allah Azza wa Jalla n'agrée pas, va tourdibou, qui le met en colère, et qu'il ferait cela en vue d'obtenir le bien de ce bas monde. On leur rappelle un verset également, ou plutôt deux. قال سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. En premier, que celui qui mécroit en Allah après qu'il eut la foi, hormis celui qui aurait été contraint alors que son cœur est empli de foi, mais celui qui fera cela délibérément, épanoui par rapport à ce kufr, alors il aura un châtiment douloureux. ثم قال سبحانه وتعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Et cela pourquoi? Car ils auront préféré la vie de ce bas monde à celle de l'au-delà, et que Allah ne guide pas un peuple de mécréants. Donc ceux qui vont signer ce genre de feuille pour avoir un salaire, pour être imam, اسمعوا على كلام الله ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. Cela pourquoi? Ils vont accepter le kufr du fait qu'ils ont préféré ce bas monde à l'au-delà. Wa anna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Que Allah ne guide pas un peuple de mécréants. Wal'a'adhu billah. Et le verset d'avant, le mukrah, la contrainte, signer cette feuille, il n'y a aucune contrainte. tu n'es pas passible de peine de mort, tu n'es pas passible de torture, tu n'es pas passible qu'on te fasse du mal dans tes biens ou dans ton honneur, ta famille. C'est juste un choix. Soit tu signes et tu t'y tiens, tu ne signes pas, tu fais ton chemin. Il n'y a aucune contrainte à signer. Un rappel pour ces gens-là. D'accord ? فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ديني وأن يتوفنا مسلمين فإنه على كل شيء قدير إنه السميع العليم وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك